En signe de soutien à notre réussite au deuxième lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, le Cercle de la jeunesse d'études du Gmilsonisme de l'État de la Haute-Autriche de l'Autriche, la filiale de Dnepropetrovsk de l'Association ukrainienne d'études des études jutiers et paix de Songun, le Cercle d'études des études jutiers de Moscou, Russie, le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée de Russie, l'Association d'amitié Égypte-Corée, et le comité koweïtien de soutien à la réunification de la Corée ont publié les déclarations.